amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, radio locale et libre, mais libre et locale, oui, les deux, depuis 42 ans. Et alors, ce soir, eh bien, c'est Mosaïque. Alors, une mosaïque d'enregistrements divers et variés sur différents sujets. Alors, au programme, eh bien, au départ, les invasions, Odoacre, Clovis, les Francs, les Visigoths. Voilà. Ensuite, Clément Viktorovitch Saint-Brévin, les mots vidés de leur sens. Les mots vidés de leur sens. Il s'y connaît, Clément Viktorovitch. Il fait des interventions courtes, mais pleines de sens. Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Révolte des Canuts à Lyon en 1831 et 1834. Serge Faubert, réindustrialisation de la France ou colonisation économique. Qui dirigera Taïwan en 2024? Le dessous des cartes sur Arte. Jean-Luc Mélenchon, Macron et les rois du fric. Histoire génétique de la France, histoire des Juifs, résumée depuis 750 avant Jésus-Christ. Et puis une petite revue de presse, voilà, et ce sera tout pour ce soir. L'Empire romain d'Occident ayant disparu, on pourrait terminer ici. Mais ça serait criminel. On est encore en plein chambardement. Il reste à boucler la transition vers le Moyen-Âge. Même si l'empereur d'Occident n'existe plus, les Romains continuent de tenir les rênes dans deux enclaves, en Gaule du Nord et en Dalmatie. La Dalmatie, ça deviendra la Croatie et la Bosnie. En fait, tout le monde s'en fiche. Ça a toujours été une région pauvre et rurale. Le Germain Odoacre s'en empare en 481 et la rattache à son royaume d'Italie. Cette même année, Clovis devient le roi des Francs Saliens. Et ça va avoir des répercussions beaucoup plus colossales. Son royaume s'est beaucoup réduit depuis le règne de Clodion le Chevelu pour deux raisons. D'abord, le gâteau se répartit entre tous les fils à chaque succession, ce qui favorise sa fragmentation. Ensuite, les Francs rhénans ont bien progressé à l'ouest du Rhin aux dépens de leurs camarades, et semblent avoir fusionné politiquement avec le royaume de Tongres. On pourrait se dire que ces Francs rhénans sont une vraie plaie, mais en fait, c'est le principal atout des Francs-Saliens. Ils vont permettre d'alimenter l'aristocratie franque en 109 pour les siècles à venir. Rien à voir avec les Visigoths, qui ont l'air si redoutables, mais qui ne disposent pas d'un tel réservoir. Sur le long terme, les Visigoths sont condamnés à se dissoudre dans la population. Clovis perçoit bien cette chance. Il commence par épouser une princesse des Francs rhénans pour se les mettre dans la poche. Sécurisé de ce côté, il peut s'attaquer à l'enclave romaine qui subsiste en Gaule du Nord, avec Soissons pour capitale. En 486, Clovis s'empare de l'intégralité du territoire de Siagrius. Une date lourde en symboles. C'est le dernier vestige de l'Empire romain qui disparaît en Occident. Les peuples latins ne reviendront aux commandes qu'à partir du Xe siècle. Pendant ce temps-là, le deuxième héros de cette époque n'est pas resté les bras croisés. Le roi des Ostrogoths Théodoric est devenu beaucoup plus gourmand. Il attaque carrément l'Empire byzantin et s'approche dangereusement de Constantinople. Pour le calmer, l'empereur Zénon lui confie la Mésie qu'il avait lui-même nettoyée quand il était petit. Dorénavant, c'est tout le glacis le long du Danube qui est aux mains des Ostrogoths, mais sous la forme d'un royaume fédéré. Zénon a très peur que Théodoric finisse par le grignoter jusqu'à l'os. Histoire de l'éloigner, il lui propose de lui céder l'Italie à la place, qui est censée être fédérée mais qui n'en fait qu'à sa tête. Théodoric accepte le marché et en 488, il s'avance vers l'Italie à la tête de tous ses guerriers. Il s'empare rapidement de la plaine du Pô, puis progresse plus lentement vers le sud. Retranché dans Ravenne, Odoacre arrive à tenir pendant 5 ans avant de se rendre. Les Ostrogoths se retrouvent à la tête d'un royaume immense, indépendant de facto de l'empereur byzantin. De façon générale, les Goths apparaissent comme les grands gagnants de la nouvelle donne. Si on compare avec leur petit territoire de départ, quel destin! On s'attend à voir l'Europe devenir entièrement gothique d'un moment à l'autre. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça va se passer. Clovis va doubler Théodoric sur la ligne d'arrivée comme une tortue maligne. À cette époque, tous les Germains sont devenus Ariens, tous sauf les Francs. Confinés là-bas dans le nord, ils sont restés païens. Or, l'essence même de la culture romaine, c'est le christianisme nicéen, qui est de loin la religion majoritaire de la population. Et c'est ainsi qu'en 496, Clovis décide de se convertir de façon très opportune. Et ça fonctionne. Brouillé avec Théodoric, l'empereur romain de Byzance va rapidement reconnaître les Francs comme les seuls véritables défenseurs de la romanité en Occident. Doté de cette légitimité nouvelle, Clovis va se sentir pousser des ailes. Ses successeurs aussi dans la foulée, jusqu'à l'avènement d'un certain Charlemagne. Mais ceci est une autre histoire, celle du Moyen-Âge. C'est ici que notre série sur les grandes invasions s'achève. À bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à écrire des commentaires. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez des envies de nouvelles séries dans le même genre, je suis curieux de connaître vos préférences. Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, qui n'a pas seulement démissionné, il quitte sa commune dans laquelle il vivait depuis 32 ans après que sa maison a été délibérément incendiée. Cet acte serait le fait de militants d'extrême droite qui le menaçaient depuis des mois pour s'opposer à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La démission du maire de Saint-Brévin. L'onde de choc après la démission du maire de Saint-Brévin. Après l'incendie criminel de sa maison. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins a donc annoncé qu'il abandonnait son mandat et qu'il allait déménager. Un maire qui jette l'éponge sous la pression des menaces de l'extrême droite, c'est évidemment un symbole terrible pour la République. La première ministre a réagi très vite depuis l'île de la Réunion où elle était en déplacement. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays. Et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. C'est montée des extrémismes avec des situations inacceptables comme celles que vous avez mentionnées. Elisabeth Borne condamne, bien sûr, mais renvoie dos à dos tous les extrémismes. Une ligne rapidement reprise par toute la majorité. La question qui est posée, elle est donc beaucoup plus large. C'est la question de la protection de nos élus, ces insultes, ces menaces que malheureusement la quasi-totalité des élus de la République reçoivent. Les violences, elles sont très souvent portées par les extrêmes. Il nous faut combattre ces extrêmes. Moi, je ne qualifie pas politiquement la violence. La violence, c'est la violence. Qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême centre, si vous me permettez cette expression, jamais n'accepter la violence. Donc, condamner les faits, tout en les assimilant à une grande catégorie fourre-tout, les violences, qui seraient le fait des extrêmes. Or, les faits, justement, quels sont-ils ? Un élu dont la vie a été directement menacée, dans le but de faire échec à une décision politique, c'est mot pour mot la définition du terrorisme. Est notamment considéré comme du terrorisme, d'après l'Union européenne, je cite, « la provocation d'incendie ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines dans le but de contraindre des pouvoirs publics à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». C'est exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement a donc réussi l'exploit, pour réagir à un acte terroriste, de ne pas prononcer jamais le mot de terrorisme. Il ne s'agit pourtant pas, loin s'en faut, d'un acte isolé. D'après Europol, l'agence de sécurité de l'Union européenne, le terrorisme d'extrême droite est désormais la deuxième menace terroriste en Europe, derrière le terrorisme islamiste. En France, ce sont les chiffres des services de renseignement, sur les 10 derniers attentats politiques déjoués, 1 était lié à l'ultra-gauche, 2 au complotisme et 7 à l'ultra-droite. En décembre dernier, à Paris, un attentat raciste a fait 3 morts dans un centre culturel kurde. Mais le gouvernement se refuse toujours à nommer le problème. Pire, quand le ministre de l'Intérieur parle de terrorisme, c'est pour fustiger autre chose. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Oui, quand on dit que les policiers doivent se faire rééduquer mentalement, comme le dit M. Mélenchon, c'est une forme de terreur et de terrorisme intellectuel, c'est certain. Vous l'entendez, hein ? Le gouvernement rejette le mot terrorisme quand un maire voit sa vie menacée et celle de sa famille, mais n'hésite pas à l'employer pour qualifier les actions de militants écologistes ou les positions de Jean-Luc Mélenchon. Alors ces actions, ces positions, on peut les soutenir ou les dénoncer. Je crois que chacun a déjà son opinion. En revanche, aucune définition juridique sérieuse ne permet de les qualifier de terrorisme. Une fois encore, les mots ont été purement et simplement vidés de leur sens. Renvoyer indistinctement les extrêmes, dos à dos, cela sert sans doute la communication du gouvernement, mais au prix d'une grande confusion. Et cette confusion, ce qu'elle éclipse, c'est la progression d'une violence non seulement politique, mais terroriste, qui défie frontalement notre République. Merci Clément, votre avis ? Je partage ce qui vient d'être dit, je veux juste préciser que Gérald Darmanin a eu probablement conscience d'avoir fait une erreur quand il a parlé d'écoterrorisme, parce qu'il n'en a plus jamais reparlé. Et on a entendu dans son entourage le fait qu'effectivement, il revenait en arrière sur l'emploi effectivement malheureux de ce terme. Tu m'avais dit, quand on s'aimera, ce sera du vrai, on en mourra. On n'aura qu'un seul boulanger, la lune et ses croissants tout frais. Il n'y aura plus guère de gens comme nous, on sera tout seul à se dire du vous. Comme dans la haute, tu m'avais dit, tous ces scouters qui qui se croient dans l'interplanétaire. C'est pas des trucs assez costauds, nous on se paiera un vrai chariot, comme ceux qui n'en finissent jamais de se les rouler sur la chaussée. Comme dans la haute, tu m'avais dit, quand on s'aimera, ce sera comme dans les cinémas, quand les merles seront tout blancs et que même les poules auront des dents, alors tu seras ma type forêt. Tu m'as dit ça sans rigoler, comme dans la haute. Tu m'avais dit, quant au phoneau, je donnerai pas cher de sa peau. La manivelle s'est démodée vu qu'il y a l'électricité, et c'est content que je le paierai le crédit. Ça fait tout de même jaser, comme dans la haute. Tu m'avais dit, quand on s'aimera, on aura des tableaux comme ça, de ce qu'il faut pas expliquer, tellement c'est sûr, tellement c'est vrai. En art, c'est comme dans tout d'ailleurs, il faut s'acheter que du meilleur, comme dans la haute. Tu m'avais dit, le Père Noël, c'est qu'un marchand et qu'une paire d'ailes. T'as qu'à lui foutre des vieilles savates et tu verras, comme il est batte, pour nous il fera du supplément, même en été, même au printemps, comme dans la haute. Tu m'avais dit, quand on s'aimera, on aura des mômes qu'on se fera en douce, comme les faux monnayeurs qui planquent leurs trucs pour les voyeurs. On les baignera que dans du lait pour faire la peau qu'on peut montrer, comme dans la haute. Depuis qu'on a tout ce que t'as dit, je suis comme un qui serait pas fini. J'ai tout ce qu'il faut et ce qu'il faudra, pourtant il me manque un je ne sais quoi. Quand on se regarde au fond de la nuit, tu me dis plus rien, alors je m'ennuie, comme dans la eau. Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui des deux insurrections des ouvriers canuts lyonnais de 1831 et 1834. Alors pour commencer, je vais partir de la citation d'un journaliste bourgeois qui s'appelle Saint-Marc Girardin, qui a écrit en 1831 dans son journal, je le cite. « Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tatarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Chaque fabricant, c'est-à-dire chaque bourgeois, vit dans sa fabrique comme les planteurs des colonies au milieu de leurs esclaves, un contre cent. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. » Ces deux révoltes des canuts de 31 et 1834 marquèrent effectivement l'irruption sur la scène politique et sociale d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Alors, en 1830, la France était encore très peu industrialisée. Lyon était alors la première ville industrielle. Sur cette agglomération de 180 000 habitants, la moitié de la population travaillait pour l'industrie de la soie. Alors, ce qu'on appelait la fabrique lyonnaise, donc la fabrique de soie, était composée d'une multitude de petits ateliers indépendants. Sur les 30 000 ouvriers tisseurs de soie à proprement parler, à peu près 8 000 étaient des chefs d'atelier, c'est-à-dire qu'ils possédaient chez eux un ou plusieurs métiers à tisser, dont ils devaient assurer l'achat, l'entretien, le montage. Ces chefs d'atelier dépendaient des commandes de ce qu'on appelait des fabricants. En fait, ils ne fabriquaient rien, donc moi je vais plutôt parler des négociants. En fait, c'était des capitalistes qui fournissaient le fil de soie, passait commande et récupérait le produit fini, le commercialisait et gardait évidemment les profits. Le gros des travailleurs de la soie, donc au-delà des tisseurs, était composé de tout un tas d'ouvriers, d'ouvrières, des compagnons, des compagnonnes embauchés par les chefs d'atelier ou par d'autres entreprises autour. Donc ils pouvaient être tisseurs, teinturiers, imprimeurs sur étoffe, ovalistes, celles qui préparaient le fil de soie, les ouvriers qui réparaient les machines, les gareurs, les dévideuses, les enfants aussi qui lançaient les navettes de fil. En tout, ça faisait, en plus des 30 000 tisseurs, 40 000 ouvriers. Alors, ils n'étaient pas concentrés dans des grosses usines, comme on peut le voir aujourd'hui, mais géographiquement, ils étaient quand même concentrés dans essentiellement un gros quartier sur la colline de la Croix-Rousse. Alors, le mot « canu », il désigne indifféremment les chefs d'atelier qui étaient propriétaires des métiers et tous ces ouvriers. Donc, en fait, les canus, ce n'était pas vraiment un groupe homogène. Parmi les chefs d'atelier, certains pouvaient avoir jusqu'à 10 métiers et se comportaient vraiment plutôt comme des patrons. Mais le chef d'atelier typique, il avait 3 ou 4 métiers et qui était mis en mouvement par lui-même, sa femme et peut-être un ou deux compagnons qui vivaient avec lui. Donc, le chef d'atelier gardait pour lui la moitié du prix du produit fini et l'autre moitié allait aux compagnons qui vivaient chez lui. Alors, ces tisseurs étaient issus d'une tradition artisanale, mais ils étaient de plus en plus dépendants de gros capitalistes. Et donc, en fait, ces chefs d'atelier, ils occupaient une position un peu intermédiaire entre les capitalistes et puis la masse des ouvriers. Mais en fait, le plus souvent, tous les canuts faisaient quand même front commun contre les riches négociants. Alors, ces insurrections des canuts, elles arrivent dans un contexte qui est bien particulier. Un contexte à la fois de bouleversement économique, avec les débuts de la révolution industrielle, surtout en Angleterre, qui commence un peu à arriver en France, mais aussi une période où la lutte pour le pouvoir entre la bourgeoisie et l'aristocratie n'est pas vraiment terminée, et où il y a encore des courants politiques bourgeois qui se battent contre l'aristocratie et qui contribuent à politiser et entraîner les travailleurs. Il faut s'imaginer que la décennie de la Révolution française, qui avait permis le renversement de la monarchie avec la participation active de toutes les catégories populaires, n'était pas si vieille. Certains anciens parmi les ouvriers avaient vécu ce soulèvement massif de la population, des paysans, des sans-culottes des villes, d'un certain nombre de bourgeois pour changer la société, soulèvement contre le roi, l'église, les nobles et contre tous leurs privilèges. Après une période au début du 19e siècle de régime réactionnaire, en 1830, la bourgeoisie libérale, en colère contre le régime qui l'excluait en bonne partie du droit de vote, poussa les travailleurs dans la rue. Donc en particulier à Paris, c'est ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses de juillet 1830 à Paris, donc pour réclamer la chute de la monarchie de Charles X. Ces Trois Glorieuses de Paris eurent leur réplique à Lyon, où là aussi, ce furent les bourgeois qui manifestèrent et qui poussèrent les ouvriers, sous peine de sanction, à aller manifester aussi dans la rue. Alors, la bourgeoisie, elle avait poussé les travailleurs dans la rue, mais pour ses propres buts. Il en sortit une monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, donc un roi qui se disait patriote, qui reprenait le drapeau bleu-blanc-rouge, et puis un régime où l'aristocratie était écartée du pouvoir et où la bourgeoisie pouvait prendre les commandes du pays. Mais cette révolution 1830 accoucha aussi d'un certain nombre de libertés nouvelles, comme la liberté de la presse, et elle suscita quand même pas mal d'attentes parmi les travailleurs. Donc il y eut une floraison de journaux nouveaux, par exemple les premiers journaux féministes, mais aussi les premiers journaux ouvriers, donc à Paris de façon un peu éphémère, et plus durablement à Lyon, avec le journal des canuts, l'écho de la fabrique, dont on reparlera tout à l'heure. Ce journal, pour la première fois, il donnait le point de vue des travailleurs, des ouvriers, sur l'actualité et sur la société. Par exemple, pour tirer le bilan de la révolution de 1830, ce journal écrivit non sans humour « Autrefois, les gros mangeaient les petits, à présent, les petits sont mangés par les gros ». Alors effectivement, si le régime politique avait changé en 1830, la condition et l'exploitation des travailleurs étaient toujours bien là. Alors l'industrie de la soie avait beau être une industrie de luxe, donc qui visait une clientèle très très très fortunée, elle connaissait quand même régulièrement des périodes de crise, que les fabricants, que les négociants répercutaient évidemment sur les travailleurs en les privant d'ouvrage et donc de salaire. Et donc ils pouvaient avoir de longs mois sans aucun revenu. Et à la fin des années 1820, justement, sous prétexte de concurrence suisse ou allemande, les négociants avaient énormément baissé le prix qu'ils payaient aux canuts. Alors le préfet de l'époque lui-même écrivait en 1831 « Ces malheureux, en travaillant 18 heures par jour, ne gagnaient pas seulement pour vivre ». Alors déjà pour les chefs d'atelier qui étaient propriétaires de leur métier, c'était pas évident de s'en sortir dans ces périodes-là, mais alors pour les compagnons, les compagnonnes, les ouvrières, les enfants ouvriers, la misère était effroyable. Les enfants, dès 8 ans, 9 ans, ils étaient employés pour préparer les canettes, ils passaient des journées dans des positions très inconfortables avec un travail qui leur broyait la colonne vertébrale. Les jeunes ouvrières venaient souvent de la campagne, et contrainte très jeune de travailler dans des locaux mal aérés, avec des positions inconfortables, la tuberculose faisait des ravages, sans parler des abus sexuels ou d'ouvrières contraintes de se prostituer parfois pour compléter des salaires insuffisants. Et donc c'est toute cette population de précaires, y compris des enfants assez jeunes, des femmes, des ouvriers précaires, qui vont être le gros des troupes des insurrections des canuts. Alors ces canuts avaient commencé à s'organiser, notamment à partir de 1828, les chefs d'atelier avaient commencé à monter une société de secours mutuel. Et en 1831, c'est dans le cadre de cette société de secours mutuel qu'ils décidèrent d'exiger des fabricants la mise en place d'un tarif minimum qui soit garanti pour leur travail, un tarif qui permette à tous les travailleurs de vivre dignement. Ils imposèrent au préfet, qui sentait l'aspect explosif de la situation, d'organiser des négociations entre les représentants des chefs d'atelier et des négociants. Dans une lettre au ministre, le préfet se justifia ainsi par la suite. Je cite « La souffrance était réelle parmi 60 à 80 000 ouvriers. À moins de prendre la cruelle résolution de les tuer tous, on ne pouvait répondre par des coups de fusil à la paisible exposition de leurs besoins. » Le 25 octobre, la négociation en préfecture eut lieu sous la pression de milliers de canuts rassemblés sous les fenêtres. Et un accord aboutit sur un tarif officiellement annoncé par le préfet dans la liesse générale. Sauf qu'une partie des bourgeois, des négociants, refusa cet accord. Ils firent appel au gouvernement et le gouvernement, au nom de la liberté d'entreprendre, soutint ceux qui refusaient d'appliquer le tarif, voilà, au nom de la liberté d'industrie, et expliquant que ça serait à la libre concurrence de fixer le prix du travail et surtout pas à un accord. Alors, c'est face au refus des capitalistes d'appliquer ce tarif qui avait été négocié que les chefs d'atelier et surtout les compagnons en colère appelèrent pour le 21 novembre à une manifestation, à l'arrêt, à la grève, l'arrêt de tous les métiers. Donc ils firent le tour des ateliers dans tous les quartiers, en particulier sur la colline de la Croix-Rousse, hein, je vous ai dit, où il y avait le plus d'ateliers, et de cette colline, ils descendirent en masse vers le centre-ville. Sauf qu'en chemin, ils se heurtèrent à un bataillon de la garde nationale. Cette garde nationale, elle avait été recréée après la révolution de 1830, et c'était en fait des citoyens en armes, mais quand même plutôt des citoyens aisés, parce qu'il fallait être capable de payer son équipement pour en faire partie. Et donc le bataillon rencontré par les manifestants canuts qui descendaient de la Croix-Rousse, c'était un bataillon composé de négociants, de privilégiés, et qui leur a tiré dessus. Et cet affrontement, ça va vraiment accélérer la mobilisation générale. Les ouvriers remontèrent sur la Croix-Rousse, appelèrent tout le monde, aux armes, et certains gardes nationaux d'ailleurs passèrent, qui étaient quand même d'origine canue, passèrent du côté des manifestants. Et finalement, les canuts redescendirent en étant armés de piques, avec l'aide des femmes, des enfants, de toute la population du coin qui les soutenait. Et ils mirent en déroute les gardes nationaux bourgeois. Et donc, ils firent la capture du préfet et puis d'un général. Et c'est là qu'on vit sortir le fameux étendard noir qui proclamait « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Alors, En quelques heures, la nouvelle de ce soulèvement s'est répandue dans toute la ville et les ouvriers des autres quartiers, y compris qui n'étaient pas des travailleurs de la soie, venaient en renfort pour se solidariser. Et le lendemain, le 22 novembre, donc avec l'arrivée de l'armée, des barricades se sont construites un petit peu partout, notamment sur la Croix-Rousse, mais dans d'autres quartiers de la ville, c'était encore une ville moyenâgeuse avec des petites rues très étroites, très encaissées, donc propices aux barricades. Alors c'était vraiment toute la population ouvrière de la ville hein, qui s'était mise en branle. Donc je vais citer un témoin de l'époque qui raconte. On a remarqué que les plus acharnés ou les plus audacieux d'entre les ouvriers étaient les plus jeunes. C'étaient les enfants qui formaient les barricades. Il raconte un peu plus loin. On a vu des femmes d'ouvriers, nouvelles spartiates, faire de la charpie sur le quai, panser les leurs sur le lieu même du combat, ranimer leur courage et les renvoyer au feu. Une caserne de la ville fut prise par les femmes, une armurerie réquisitionnée. Les travailleurs disposaient alors non plus seulement de piques et de bâtons, mais vraiment d'armes. Et le soir du 22, les autorités, complètement prises de court, abandonnèrent complètement la ville aux mains des ouvriers insurgés. Il y a eu probablement 600 morts dans ces affrontements, dont une centaine de soldats. Et là, pendant plusieurs jours, la ville de Lyon est restée entre les mains des ouvriers en armes, et c'est eux qui ont maintenu l'ordre. Et à la grande surprise des bourgeois, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Il y a eu peut-être quelques maisons de bourgeois particulièrement détestés qui ont été pillées et assaillies, mais on a vu aussi des insurgés jeter des sacs d'argent dans la Saône. Et deux individus, par exemple, qui essayaient de profiter un petit peu de la confusion ambiante pour piller des magasins, ont été arrêtés et passés par les armes par les insurgés. Ils sont allés dans les prisons aussi, ouvrir les prisons, mais ils ont libéré, par exemple, les prisonniers pour dette et ils ont laissé en prison les prisonniers de droit commun. Donc là, c'était quand même un événement sans précédent dans l'histoire, hein, donc des ouvriers à la tête d'une ville qui montraient vraiment la puissance de ce prolétariat puissant, naissant, sa capacité à s'organiser, à s'imposer face à la bourgeoisie, face à ses forces de répression, qui, eux, en face, ont été complètement pris par surprise par la puissance de cette révolte. Mais pour autant, ils n'avaient pas vraiment de plan, ils n'avaient pas vraiment d'état-major, ils ne savaient pas forcément trop où ils allaient, à part la revendication du tarif. Et donc, en réalité, petit à petit, le travail a repris, à partir du 28 novembre, avec un tarif un petit peu élevé, mais ça n'a pas trop duré d'ailleurs. Mais parce que le problème, c'est que pendant ce temps-là, pendant les quelques jours où les ouvriers étaient à la tête de la ville, les bourgeois, de leur côté, eux, ils ont préparé la revanche. Le préfet à Lyon, il continuait à papoter avec les insurgés pour gagner du temps, voilà. Et pendant ce temps, les chefs de l'armée, ils préparaient, ils sont revenus, voilà, avec 25 000 soldats de toutes les régions autour et 150 canons. Et à partir du 3 décembre, donc l'armée est rentrée dans la ville et a réussi à désarmer les travailleurs qui n'ont pas tellement résisté. Assez rapidement, le tarif fut annulé et il y eut une grosse période de répression contre les travailleurs les plus combatifs. Donc 90 furent arrêtés, mais finalement la plupart furent relâchés parce qu'il n'y avait pas vraiment de preuves. Par contre, beaucoup perdirent leur boulot et furent obligés de quitter la ville. Et ceux qui restaient, ils étaient contraints d'aller demander un nouveau livret de travail pour avoir la possibilité de retravailler. Voilà. Alors, cette première insurrection lyonnaise, c'était la première fois que la classe ouvrière, des ouvriers, se battait contre la bourgeoisie pour ses propres intérêts. Et la force du soulèvement des canuts, c'est qu'il a attiré toute la population ouvrière de la ville et même, il a suscité de la solidarité parmi les ouvriers du reste du pays. Parce que finalement, tout le monde se retrouvait dans cette revendication assez simple de vivre dignement de son travail. Alors ces événements, malgré la répression, ils ont donné un élan assez important à la politisation des travailleurs et à leur organisation. Alors on le voit un petit peu à travers ce qui se disait dans le journal là, dont je vous ai parlé, l'Écho de la Fabrique, le journal des canuts. Par exemple, en 1832, il écrivait « Les ouvriers, quel que soit le pays qu'ils habitent, sont tous frères ». Il se plaçait tout le temps du point de vue des ouvriers. Et il dénonçait souvent avec des traits assez mordants la bourgeoisie et son état, en particulier dans une rubrique qu'ils appelaient « coup de navette ». Par exemple, j'en cite une, pendant l'insurrection, on félicitait un ouvrier de ce qu'il n'avait pas été blessé dans les trois journées. « Parbleu, répondit-il, les négociants nous avaient tellement fait maigrir qu'ils ne pouvaient plus nous ajuster ». Dans ce journal, on dépatait aussi des premières idées socialistes, celles des utopistes comme Saint-Simon, Fourier ou Cabet. Je cite encore. « L'inégalité sociale ne divisera plus ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Plus de castes, plus de haine, plus de division et plus de guerre. L'univers entier ne sera plus qu'un immense atelier où la production incessamment active, affranchie de la concurrence et du monopole, trouvera dans la division du travail habilement combinée une source féconde et intarissable de richesses qui satisfera tous les besoins et contentera tous les désirs. » Alors comment parvenir à une telle société socialiste ? Certains continuaient à penser que ça pouvait se faire pacifiquement et d'autres pensaient par exemple que ça passerait par le combat pour la République. L'Écho de la Fabrique prit aussi position, c'est pas inintéressant, contre les atrocités commises par l'armée française en Algérie ou alors d'autres positions en faveur du combat des femmes. Alors au-delà de ce qui était discussion politique et sociale, il y a eu aussi un essor des premières organisations ouvrières, donc les sociétés de secours mutuels. Alors c'était pas seulement mettre ensemble de l'argent de côté pour des coups durs. En fait, c'était vraiment des embryons de syndicats qui regroupaient tous les travailleurs conscients d'avoir des intérêts à défendre en commun contre les bourgeois. Dans la région lyonnaise, donc le mutualisme était d'abord né chez les chefs d'atelier de la soie, mais ensuite, il s'est étendu, donc les compagnons, ils ont fondé leur propre société en février 32. Et en novembre 33, un grand banquet réunit des mutualistes de Lyon, de Saint-Étienne et de Saint-Chamond. Alors, on arrive en 1834, où en fait, une série d'attaques des bourgeois sur le terrain économique et politique mit de nouveau le feu aux poudres. Alors, il y a eu d'abord une grève puissante contre la baisse de certains tarifs, donc toujours des canuts, en février 34, qui a fait reculer les négociants, mais par contre qui amena à l'arrestation des meneurs de la grève et avec un procès à venir en avril 34. En même temps, le gouvernement remettait en cause les libertés gagnées en 1830, notamment la liberté d'association. Alors, il faut savoir que les associations de plus de 20 personnes étaient interdites. Mais ce qui était toléré jusque-là, c'est que on faisait des groupes de 20 et puis ça se fédérait. Et par exemple, les mutualistes, mais aussi les républicains, ils fonctionnaient comme ça pour contourner cette limite de 20. Et là, en avril 34, une nouvelle loi prévoyait de durcir l'interdiction et de vraiment empêcher toute organisation de plus de 20 personnes. Donc, ça a donné lieu à une campagne de contestation des républicains, des mutualistes, enfin voilà, il y a eu une agitation politique pour dénoncer ce mauvais coup. Et c'est dans ce contexte d'agitation politique que s'ouvrit le procès en avril 34 des meneurs de la grève de février 34. Et en fait, ce procès, il s'est tenu dehors, il y avait des milliers de canuts qui étaient rassemblés, ça discutait dans tous les sens. Et en fait, au moment de ce procès, ils ont senti leur force. Ils ont commencé un petit peu à manifester, ils se sont heurtés à l'armée qui était quand même disséminée un petit peu partout et ces heurts avec l'armée ont lancé une nouvelle insurrection. Alors les insurgés ont été moins nombreux qu'en 31, mais il y a eu à nouveau des barricades un petit peu de partout et les ouvriers ont été maîtres de la ville pendant à peu près 5 jours. Hein, il a fallu 5 jours à l'armée pour tout reconquérir au prix de centaines de morts. Voilà donc pour ce qui est des événements. Alors avant de terminer, je voudrais donner la parole à un jeune révolutionnaire qui avait 29 ans à l'époque. Donc en 1834, juste après la deuxième insurrection des canuts, il écrit un article qui s'appelle « Qui fait la soupe doit la manger ». Donc il s'agit de Blanqui, je le cite. « Qu'il est difficile au prolétariat d'ouvrir les yeux sur ses oppresseurs. Si à Lyon, il s'est levé comme un seul homme, c'est que l'antagonisme flagrant des intérêts ne permettait plus l'illusion à l'aveuglement même le plus obstiné. » Alors, se sont révélés les trésors de haine et de férocité que recèlent les âmes de ces marchands. Rentrer dans le devoir ou périr sous la mitraille, telle est l'alternative posée aux rebelles. Le devoir du travailleur lyonnais, l'homme-machine, c'est de pleurer la faim en créant, jour et nuit, pour les plaisirs du riche, des tissus d'or, de soie et de larmes. Plus loin, il continue. Mais quel besoin les travailleurs ont-ils des oisifs ? Le capital n'est-il productif entre leurs mains qu'à la condition de ne pas leur appartenir ? Je suppose que le prolétariat, désertant en masse, aille porter ses pénates et ses labeurs dans quelque lointain parage. Mourrait-il par hasard de l'absence de ses maîtres ? En revanche, combien serait curieux à voir la mine de nos chers suzerains abandonnés par leurs esclaves? Que faire de leurs palais, de leurs ateliers, de leurs champs déserts? Et une dernière citation pour conclure d'un militant communiste russe, Riazanov, qui écrira bien plus tard. La double insurrection lyonnaise manifesta pour la première fois l'importance révolutionnaire de l'élément ouvrier, qui, dans une ville seulement, il est vrai, souleva l'étendard de la révolte contre la bourgeoisie tout entière et posa nettement la question ouvrière. Les revendications du prolétariat lyonnais n'étaient pas encore dirigées contre les bases mêmes du régime bourgeois, mais elles étaient dirigées contre les capitalistes, contre l'exploitation. Ainsi donc, à cette époque en France et en Angleterre, une nouvelle classe révolutionnaire, le prolétariat, entre en scène. Milliards d'euros ont déjà été engagés. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires. On aura plus de députés écologistes et de gauche en y allant séparés. L'important est qu'on soit capable d'additionner les scores. Emmanuel Macron qui compte sur les investisseurs étrangers pour réindustrialiser la France. La loi immigration qui refait surface et les sondages qui semblent donner raison à l'écologiste Marine Tondelier. C'est le sommaire de ce numéro 28 de Pôle Express. Ça devient une manie. Pour la troisième fois en trois mois, Emmanuel Macron s'adressera aux Français. Après des mois de silence pendant le mouvement contre la réforme des retraites, le chef de l'État avait tenté un retour médiatique le 22 mars en s'invitant devant les caméras de TF1 et France 2 à l'heure du déjeuner. prestation insipide qui en a appelé une seconde, le 17 avril. Pas d'annonce spectaculaire, si ce n'est un fumeux triptyque travail, ordre, progrès et la signature d'un CDD de 100 jours pour Elisabeth Borne. Pas de quoi remuer les foules. Le président revient donc ce soir devant les caméras. Sans doute pour vanter l'attractivité économique du pays et nous expliquer combien il a eu raison de mener la politique qui est la sienne. Si lui-même ne le dit pas, qui d'autre le dira? Ce lundi se tenait en effet à Versailles la 6e édition de Choose France. 200 chefs d'entreprise étrangers étaient présents. Emmanuel Macron espère les avoir convaincus d'investir dans notre pays. Fiscalité avantageuse, aides économiques, régression des acquis sociaux, autant d'arguments que le chef de l'État aura fait valoir auprès de ses hôtes. Car l'heure est à la réindustrialisation du pays. 13 milliards d'euros ont déjà été engagés pour 2800 projets qui ont été soutenus, et nous aurons engagé plus de 20 milliards d'euros avant la fin de l'année, avec des projets portés par des start-up industrielles comme des ETI ou des grands groupes, dans le domaine du spatial, du nucléaire, du médicament, de l'agroalimentaire, de la culture, avec aussi des premières usines. Mais les usines en question sont souvent étrangères. Ainsi, l'implantation prochaine d'une usine de batteries électriques à Dunkerque. Le chef de l'État s'est déplacé vendredi pour l'officialiser. Un investissement de 5,2 milliards d'euros qui doit créer à terme 3 000 emplois. Fort bien, mais les capitaux de cette méga-usine sont apportés par le groupe taïwanais Prologium. Dans la même ville, le chinois XTC et le français Orano vont investir 1,5 milliard d'euros dans une unité de production de matériaux pour les batteries au lithium. Là, c'est 1700 emplois qui vont être créés. Cette présence chinoise ne va pas s'en poser question, car le 5 mai, dans la même région, près de Valenciennes, la société Val d'Unès, dernier fabricant français de roues de train, a été lâchée par son unique actionnaire, le chinois MA Steel. Ce dernier avait racheté l'usine en 2014 avec ses brevets. Emmanuel Macron a affirmé qu'il se battrait jusqu'au dernier quart d'heure pour sauver l'entreprise. Les marchés tremblent. On est loin du retour à une industrie nationale qui garantirait notre souveraineté économique. Il s'agit bien plutôt pour Emmanuel Macron de transformer la France en Eldorado des investisseurs étrangers. Il y a bien un haut commissaire au plan qui pourrait freiner cette colonisation rampante en encourageant les acteurs français. Un certain François Bayrou. Mais depuis sa nomination, on est sans nouvelles de ce Béarnais, sans doute trop accaparé par sa bonne ville de Pau, à moins qu'il ne soit déjà en train de tirer des plans pour 2027. Elisabeth Borne veut rester à Matignon. Abdiquant toute dignité, elle le déclare dans le journal du dimanche. Mais il va lui falloir faire preuve de son utilité. Cette semaine, elle reçoit les syndicats à Matignon. Objectif, leur faire avaler la prochaine réforme du travail. Ce n'est pas gagné. Écoutez ce que disait Sophie Binet dimanche. Ce que je veux dire à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. Et par contre, nous allons dire que les exigences, oui, il y en a beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires, par exemple. La Première ministre est également chargée de trouver d'ici le mois de juillet une majorité pour voter la loi immigration, un texte rédigé par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Le projet de loi a déjà été examiné au mois de mars par la commission des lois du Sénat. À cette occasion, le texte a été durci. Mise en place de quotas migratoires, regroupement familial plus difficile, contrôle de l'immigration étudiante renforcé, aide médicale d'État transformée en aide médicale d'urgence. Mais à l'époque, le contexte social avait incité le gouvernement à la prudence. Pas la peine de jeter de l'huile sur le feu en pleine contestation de la réforme des retraites. L'examen en séance du projet de loi avait été renvoyé à l'automne. Sans doute, l'exécutif se sent-il aujourd'hui moins menacé. Le projet de loi refait donc surface. La pression de la droite n'est pas étrangère à ce revirement. Le patron de LR, Éric Ciotti, ne cesse de dénoncer les reculs du gouvernement et réclame un référendum sur la question. Pour dégager une majorité autour du projet de loi, Elisabeth Borne serait prête à reprendre à son compte la version amendée par le Sénat. Mais il lui faudrait alors abandonner la régularisation des travailleurs sans papier prévue par le texte initial, renoncement dont le groupe Renaissance à l'Assemblée ne veut pas entendre parler pour l'instant. Entre le Sénat et l'Assemblée, il va falloir choisir. La NUPES a-t-elle intérêt à faire liste commune aux élections européennes de l'année prochaine? Apparemment pas, si l'on en croit un sondage IFOB publié dans le journal du dimanche. Séparées, les listes des quatre composantes de la NUPES totalisent 35% des intentions de vote. Rassemblées sur une liste commune, elles ne recueillent plus que 26% des mêmes intentions de vote. Ces résultats viennent consolider une première enquête commandée à l'Institut Harris Interactive par Europe Écologie Les Verts. En cas de liste autonome, les quatre formations composant la NUPES capteraient 30%. 33% des intentions de vote. Une liste commune ne réunirait que 23% des intentions. Et si des listes dissidentes venaient à se présenter, ce score tomberait à 19%. Un double constat qui renforce Marine Tondelier, la patronne des écologistes, dans sa volonté de faire cavalier seul l'année prochaine. On aura plus de députés écologistes et de gauche en y allant séparés, c'est comme ça. Donc, on ne sera pas devant Le Pen, c'est pas vrai. Par contre, il faut aller chercher des électeurs déçus. Et ça, on ne va pas chercher les mêmes, Fabien Roussel, moi, Manuel Bompard et le Parti Socialiste. Alors, c'est ce que l'on appelle l'argument du râteau. La multiplication des listes permettrait de ramener au bercail tout ce que l'hégémonie de la France insoumise sur la NUPES indispose. Le problème, c'est la pré-européenne. Comment enclencher une dynamique de rassemblement autour d'une candidature commune en 2027 alors qu'on vient de s'éparpiller sur des listes concurrentes? Pour moi, l'important est qu'on soit capable d'additionner les scores à la fin du scrutin, quand bien même on n'y va pas ensemble. Et moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'hypothèse d'y aller ensemble. Mais si on n'y va pas ensemble, comment on réfléchisse à comment on installe dans l'esprit des Français et Françaises que oui, nous continuons à travailler ensemble. On lui souhaite bon courage pour l'installation en question. La NUPES joue son existence dans cette affaire. Les forces qui sont tentées aujourd'hui de s'émanciper de la coalition feraient bien de se souvenir des scores d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou Fabien Roussel à la présidentielle. Il s'agissait là aussi de râteau, celui que se sont pris cette candidate et ses candidats. Pour autant, la France insoumise ne fera pas l'économie d'une sérieuse remise à plat de la coalition électorale afin que chacun s'y sente à l'aise. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Et n'oubliez pas les pouces, nous en raffolons. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir financièrement, c'est toujours sur Donorbox que ça se passe. Vous êtes la garantie de notre indépendance. On compte sur vous. On se retrouve jeudi pour un nouveau numéro du Bourbon de Serge. consensus taïwanais signifie que dans la situation actuelle de pression géopolitique qui menace, disons, d'une guerre, il convient de serrer les rangs derrière cette république. Chers amis du Dessous des Cartes, voici une leçon de géopolitique, un grand entretien pour éclairer l'actualité internationale aujourd'hui, la vie politique taïwanaise, avec en janvier 2024, dans moins d'un an, l'élection présidentielle sur fond de montée des tensions dans le Détroit. Qui seront les acteurs de cette élection? Quel thème de campagne? Quelle vie politique pour la démocratie taïwanaise avec l'épée de Damoclès d'une guerre contre la Chine autoritaire de Xi Jinping? On en parle avec vous, Stéphane Corcuff. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et vous êtes un grand spécialiste du monde chinois contemporain. D'un mot, bien sûr, est-ce que vous pouvez commencer par revenir avec nous sur Tsai Ing-wen, cette étonnante présidente de Taïwan qui fait face à la Chine de Xi Jinping? Depuis combien de temps est-elle au pouvoir? Est-elle dans le paysage politique taïwanais? Quel est son parcours? Quel est son bilan? Alors, l'une des particularités de Madame Tsai Ing-wen est qu'elle a été élue présidente de la République de Chine, donc à Taïwan, en 2016, et c'était le premier mandat pour lequel elle a été élue. Elle a, en d'autres termes, pas fait de campagne et pas eu de poste dans des responsabilités locales, des gouvernements locaux de Taïwan. Avant ça, elle a été quand même aux affaires dans un certain nombre de postes ministériels, et notamment un poste crucial. Elle était ministre des affaires continentales, donc de Taïwan. Tsai Ing-wen, c'est une femme qui est à la fois extrêmement intelligente, elle a été formée dans les meilleures universités, et notamment à la London School of Economics and Political Science à Londres. Et elle a fait, j'ai souvent coutume de le dire, sa maturité politique, précisément dans cette époque de la fin des années 90, quand Taïwan était engagée à la fois dans la démocratisation qui a abattu la dictature et dans la taïwanisation des institutions pour laisser émerger une nation taïwanaise. Tsai Ing-wen, c'est quel genre de personnage politique, quel genre de caractère, quel genre de relation aussi avec la population taïwanaise? Alors c'est une personnalité assez populaire à Taïwan. Les Taïwanais lui savent gré d'avoir été tenace sur les engagements qu'elle a pris, et notamment face à Pékin, et face, disons, à la question de l'édification d'un outil militaire à Taïwan, elle s'est présentée très rapidement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire institutionnellement la chef des armées, mais elle a énormément rendu visite aux chefs militaires, aux différentes armes. Elle s'est montrée souvent sur le terrain et elle présente vraiment l'image d'une personne mobilisée en permanence pour répondre à la pression militaire chinoise croissante. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'une majorité de Taïwanais valide, j'allais dire, la ligne de Tsai Ing-wen, vous l'avez dit, qui est une ligne d'affirmation vis-à-vis de Pékin et qui n'essaie plus du tout de jouer la carte du compromis? Le consensus taïwanais signifie que dans la situation actuelle de pression géopolitique qui menace, disons, d'une guerre qui serait terrible pour Taïwan, il convient de serrer les rangs derrière cette république, la République de Chine qui est à Taïwan et qui est une démocratie. Ça, c'est le consensus. Et on voit qu'avec son effort dans le camp indépendantiste, l'appropriation des symboles de cette République de Chine qui venait du continent à l'origine, s'est accrue dans les rangs du Kuomintang, notamment avec une sorte de consensus derrière le drapeau national. Mais disons que le Kuomintang, qui reste attaché à, disons, l'unification ultime, et la Chine, bien entendu, qui joue sur ce levier, ces deux acteurs utilisent un petit peu ce fond culturel chinois qui est propre à Taïwan pour dire « vous ne pouvez pas laisser tomber la mère patrie ». Alors, venons-en en effet au Kuomintang, qui est le parti d'opposition au parti présidentiel de Tsai Ing-wen. Le Kuomintang, c'est le parti de Chiang Kai-shek. On a longtemps beaucoup dit que c'était le parti nationaliste. Et paradoxalement, c'est un paradoxe en tout cas vu d'Occident, c'est ce parti de Chiang Kai-shek, ce parti nationaliste, qui prône le rapprochement avec Pékin. Alors, on peut historiciser ce changement, car en effet, il y a eu un changement considérable. Pendant toute la période qui allait de 1949 aux années 90, le Kuomintang au pouvoir à Taïwan voyait la Chine communiste comme l'ennemi qui lui avait ravi son territoire. Mais pour autant, il ne se pensait pas du tout comme un parti indépendantiste taïwanais. Disons que voilà, c'était les frères ennemis. Et puis le programme politique du parti nationaliste chinois, du Kuomintang, concevait dès le début la démocratisation après cette phase de période autoritaire. Et quand la démocratisation est venue, le fait est que le Kuomintang n'était plus en Chine, mais il était à Taïwan. Et l'électorat à Taïwan était donc insulaire, taïwanais, et finalement, un autre, et non des moindres, des paradoxes, c'est que Chiang Kai-shek, ayant coupé de fait Taïwan de la Chine, finalement, il n'a pas permis, en dépit de ses politiques culturelles, de renforcer énormément ce sentiment d'appartenance profond des Taïwanais à la Chine. Et finalement, quand la démocratisation est arrivée, il a fallu réélire les chambres, il a fallu élire un président de la République, et tous les votants étaient des Taïwanais dans l'île, dont une minorité seulement issue du continent. Et quand cette démocratisation, finalement, s'est développée, les Taïwanais sont arrivés au pouvoir, et là, le Kuomintang a immédiatement changé, avec une partie d'entre eux qui ont troqué la valeur démocratie pour la valeur nationalisme et nationalisme chinois. Ça s'est concrétisé en 2004 et en 2005 avec un nouvel accord entre le PCC, donc le Parti communiste chinois, et le Kuomintang à Taïwan, qui était en visite sur le continent et qui s'est fait derrière le dos des indépendantistes, entre guillemets, de Taïwan, qui étaient au pouvoir à la présidence. J'aimerais qu'on essaye de connaître un peu mieux William Lai, dont on va sans doute beaucoup entendre parler ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui va donc au fond certainement prendre la suite de Tsai Ing-wen. Quel est son caractère? En quoi est-il semblable ou très différent de l'actuelle présidente? Alors effectivement, leurs caractères sont assez dissemblables. Tsai Ing-wen va fréquemment au contact de la population, mais disons qu'elle joue son rôle. Elle est très appréciée, comme je vous l'ai dit, par ses troupes en tout cas, mais disons qu'elle joue son rôle. Alors que William Lai, Lai Ching-de, c'est quelqu'un qui a ça dans le sang. Il adore le contact avec la population, il est extrêmement souriant, et puis c'est un élu à l'origine du sud de Taïwan, dans une ville qui est très importante à Taïwan, qui est la ville de Tainan, où a commencé la colonisation hollandaise en 1624. C'est un peu le lieu où commence l'histoire de Taïwan au début du 7e. Et il a été élu, très bien réélu là-bas, au point que on l'appelait le dieu Lai Shen. Et donc, il est extrêmement populaire à Taïwan. Il a été premier ministre également de Tsai Ing-wen avant de devenir vice-président. Donc, pour lui, c'est une route toute tracée. Il a des chances raisonnables, disons, d'être élu. Si une majorité de Taïwanais, dites-vous aujourd'hui, choisit plutôt le parti présidentiel de Madame Tsai Ing-wen et donc de William Lai, est-ce que ça veut dire que une majorité de Taïwanais aujourd'hui assume l'idée de la guerre, se dit prête à la guerre? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on sent que les Taïwanais semblent, dans leur majorité, résignés à l'idée que la guerre va arriver. Alors, résignés ne veut pas dire forcément prêts à se battre. Ce qu'on note, c'est qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de mouvement majeur d'envoi de fonds à l'étranger ou d'achat d'immobilier par les Taïwanais en Europe ou en Amérique du Nord, comme s'ils avaient compris que, au fur et à mesure que ces manœuvres militaires se multiplient et se rapprochent, l'issue guerrière de ce conflit dans le détroit de Taïwan serait inéluctable. On voudrait essayer de comprendre aussi avec vous quelle est l'influence de Pékin dans la vie politique taïwanaise. D'abord, de quelle manière finance-t-elle ou non le Kuomintang? Comment essaye-t-elle d'influer sur les thèmes de campagne? Que se passe-t-il notamment aussi sur les réseaux sociaux? On sait aujourd'hui l'importance que prend le numérique dans la vie politique. Que pouvez-vous nous en dire? Peut-être le phénomène le plus important est celui des investissements financiers des Chinois dans les médias taïwanais, avec une volonté de prise de contrôle pour évidemment informer la population de son point de vue. Je dirais, deuxième problème, vous l'avez mentionné, c'est les médias sociaux. Et là, on a clairement sur la question l'impression que la Chine a compris, comme à notre égard d'ailleurs, l'Occident et l'Europe et les États-Unis, que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, s'ouvre un énorme champ d'influence pour elle. Elle sait comment formater un discours qu'il est facile de déconstruire, mais on est dans un cas de ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir de déstabilisation, le sharp power, qu'elle co-invente avec la Russie et d'autres États illibéraux. Il y a un narratif chinois aujourd'hui pour dire qu'au fond, il y a une histoire chinoise, un ancrage chinois de Taïwan. Il y a également un narratif chinois pour dire que avec la Chine, ce n'est pas la guerre. Et l'on se dit que ce discours-là pourrait séduire une partie des Taïwanais qui légitimement pourraient avoir peur de la guerre. Comment les Taïwanais parlent de ces sujets-là ? La Chine aujourd'hui est le principal carburant du mouvement indépendantiste taïwanais et de l'édification d'une nation taïwanaise, parce que elle propose une solution binaire avec deux options, la paix ou la guerre, et rien entre les deux, sachant que la paix c'est pas possible pour une raison très simple, c'est que la solution pacifique que propose la Chine aux Taïwanais, et ça ils le comprennent très bien, c'est en gros d'abandonner leur régime juridique, officiel, souverain de la République de Chine, qui a été fondée en 1912, qui a été présente à l'ONU, etc., et de troquer ça contre un pays de système dans lequel les Chinois feraient beaucoup de concessions à Taïwan, quand on regarde la lettre de la proposition, mais dans laquelle ils perdent leur statut d'État souverain. Donc, quand on propose à des Taïwanais démocratiques de perdre leur souveraineté pour fusionner avec un État qui est aujourd'hui néo-totalitaire et assez menaçant, évidemment, la conviction est très verte. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution pacifique. Ça, c'est de la rhétorique. La seule solution, c'est de forcer les Taïwanais à faire soumission. Et donc là, les Taïwanais, et on le voit de plus loin, ne feront pas soumission. Et pour autant, la majorité des Taïwanais, au fond, si j'ai bien compris, veut conserver ce principe du statu quo. C'est-à-dire, au fond, il y a une certaine modération, une certaine tempérance à ne pas chercher à aller plus loin. C'est-à-dire réellement un État totalement indépendant qui demanderait de nouveau à siéger aux Nations Unies, comme si, au fond, une majorité de Taïwanais avait renoncé à cette exigence-là. Est-ce que je me trompe ? Le statu quo lui-même est en train de bouger. Le statu quo, on entend quoi par le statu quo ? On a deux États, dont un qui est majoritairement reconnu et qui maintient un irrédentisme, c'est-à-dire une menace d'invasion de Taïwan, et l'autre qui, disons, a disparu des organisations internationales et dont on ne veut plus trop dire qu'il est souverain, même s'il l'est effectivement. Et puis, on attend des Taïwanais dans ce statu quo qui ne redemandent pas le retour à l'ONU, etc. En fait, les Taïwanais ont bien intégré cette nécessité pour eux, puisque sinon, ils perdraient le soutien des États-Unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le statu quo qui change, il change à cause de la Chine, qui bâtit un État, un outil militaire, à même de donner à Pékin les moyens d'une attaque à l'échelon de quelques années. Et les Taïwanais, face à ça, se disent « Bon, nous, on a joué le jeu de ne pas changer le nom de notre régime de République de Chine en République de Taïwan pour satisfaire tout le monde. » Et finalement, la Chine en profite. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte que ce statu quo qui s'est effondré, en fait, sans qu'on s'en rende compte, est menacé de nous amener à la guerre. Dernière question, Stéphane Corcuff. Dans le débat public taïwanais, au fond, y a-t-il d'autres sujets que ces sujets que nous venons d'aborder, c'est-à-dire la relation à Pékin, la peur ou non de la guerre, la question du statu quo? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui dominent dans le débat public taïwanais, au Parlement taïwanais? Donc effectivement, la question identitaire et géopolitique est centrale. Mais pour autant, Taïwan, c'est une société libre, démocratique, extrêmement ouverte sur le monde. Donc finalement, énormément de débats sont aussi mentionnés. On pourrait citer deux grandes idées, mais il y en a encore plein. Le progrès social, notamment avec le vote de la loi pour le mariage pour tous il y a quelques années. Et puis tous les autres sujets sur lesquels on doit encore progresser, par exemple le statut des ouvriers, les maladies industrielles du passé, les réparations, etc. Et puis, on a évidemment à Taïwan une très grande conscience de l'impératif écologique et notamment du fait que Taïwan est située sur le tropique du Cancer, dans une zone tropicale et subtropicale, et très consciente des conséquences du réchauffement climatique. Ce qui me frappe sur Taïwan après quasiment trois décennies d'études de cette île, c'est que le greffon démocratique, parce qu'à l'origine c'est un greffon, a plutôt bien fonctionné et que non seulement Taïwan a adopté les canons de la démocratie, mais en plus a trouvé des moyens de progresser dans la pratique démocratique. De ce point de vue, Taïwan nous montre que la démocratie peut encore se réinventer, qu'elle a de nouveaux horizons à conquérir, et qu'on peut regarder à Taïwan pour prendre quelques idées qui seraient utiles pour nous. Merci infiniment Stéphane Corcuff d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Lyon, spécialiste du monde chinois contemporain. Vous avez notamment dirigé ce numéro d'Historia, Pékin-Taïwan, la guerre des deux Chines, et un livre à paraître, je crois, en octobre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui à Versailles, le monarque présidentiel reçoit 200 rois du fric. La France paye. Aujourd'hui à Versailles, mais pourquoi à Versailles, le président de la République a invité 200 grands patrons pour les inciter à investir en France. Moi, je serais actionnaire d'une de ces 200 boîtes, je me poserais des questions. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un patron qui se laisserait convaincre d'investir de l'argent en France simplement parce qu'on l'a reçu dans un beau palais? Un palais qui incarne tout ce que les Français ont toujours détesté, la monarchie, l'arrogance, le pouvoir absolu et le règne de l'argent. Et aussitôt, dès le petit matin, on a commencé à nous annoncer qu'il y avait déjà 13 milliards sur la table d'argent investi. Aussitôt, depuis ce matin, on nous annonce 13 milliards d'argent déjà décidé d'être investi en France. Et chacun dit aller de son petit commentaire élogieux pour celui qui a réussi à faire débourser ces 13 milliards. Mais franchement, 13 milliards, c'est ridicule, c'est même pas un pourboire. Parce qu'il y a déjà eu 50 milliards d'euros annuels de baisse d'impôts, un plan de relance de 100 milliards d'euros, un plan ciblé France 2030, de 30 milliards d'impôts, une baisse de réduction des impôts de production, c'est comme ça qu'ils appellent ça, pour 15 milliards. Et en veux-tu, en voici, en voilà, de tous les côtés, des réductions d'impôts, des crédits recherche, etc., etc., etc. La vérité, c'est que le pays s'est massivement désindustrialisé pendant le premier quinquennat de M. Macron, et ça continue dans le deuxième. Et je vais vous dire ceci, quel peut bien être le sens d'une phrase du genre « nous allons réindustrialiser la France ». Ça ne veut strictement rien dire pourquoi. Réindustrialiser pour produire quoi ? Pour produire comment ? Dans quel but ? Voilà ce qu'on ne saura pas. Autrement dit, on reste sur les vieilles formules qui sont la magie du libéralisme. On diminue les impôts, on donne des subventions, et alors l'argent arrive, s'investit et on produit un petit peu n'importe quoi suivant celui que l'investisseur a décidé de faire. Tout ça n'existe pas dans l'économie réelle. Et en particulier, vous le voyez une fois de plus, le capitalisme ne trouve ses aises que si l'État lui organise absolument tout, y compris son propre financement. Voilà ce qui est devenu insupportable. Si la France disait « nous allons maintenant, par exemple, prendre le tournant qui est nécessaire de la production écologique, et donc nous allons commencer par la phase numéro 1, fabriquer de l'énergie d'une manière écologique, c'est-à-dire non nucléaire ». Pourtant, il vient d'être voté à l'Assemblée nationale un plan énorme en faveur du nucléaire. Et pas pour construire seulement de nouvelles centrales, ce qui serait une erreur de plus, mais y compris pour maintenir en état des centrales qui déjà ont dépassé leur âge. Donc, nous avons besoin de machines nouvelles pour produire de l'énergie. Et ces machines nouvelles, oui, elles nécessitent une industrie capable de produire des aciers de pointe, des tôles, tout ce qu'il faut pour, par exemple, fabriquer des machines qui utilisent le mouvement mécanique de la mer, la houle, pour produire de l'électricité. Des machines qui existent déjà, qu'on sait déjà faire fonctionner. Ça, ça a un sens de dire « nous allons réindustrialiser », c'est-à-dire « nous allons nous demander où sont les usines qui d'ores et déjà peuvent produire au service de ces objectifs et celles qu'il faudrait créer pour ces objectifs, donc peut-être en allant chercher ici ou là des compétences. Pas en faisant des banquets à Versailles et qu'à la fin de la journée, chacun mette sa petite enveloppe dans l'urne avec ses billets de banque pour cette pauvre industrie française qui serait en train de demander l'aumône. Voilà, encore une fois, les choses faites en dépit du bon sens. Et s'il n'y avait que ce compartiment, mais si on regarde en amont, c'est-à-dire avant l'industrie qui fonctionne, avant l'usine qui s'ouvre, avant tout cela, il faut des gens capables de faire marcher les entreprises, de faire tourner les machines, d'être capables de gérer les stocks, de faire les commandes. Tout ça, ce sont autant de métiers. Et où apprend-on ces métiers ? Où apprend-on ces métiers ? On les apprend en France au lycée professionnel. Et c'est le lycée professionnel qui a permis la véritable industrialisation de la France quand elle avait des objectifs de développement. Je pense à l'immédiate après-guerre, quand tant de choses avaient été détruites. Et puis, dans les années 60, quand il a fallu développer des nouveaux cycles de production, donc des machines nouvelles. À l'époque, une machine, c'était pour 10 ans. Aujourd'hui, c'est pour 5 ans. Cela veut dire que toutes les personnes que l'on forme doivent non seulement apprendre à faire fonctionner ce qui aujourd'hui fonctionne, mais doivent se préparer, quand ces machines se transformeront, à accompagner ces transformations. Pour ça, il faut que les gens aient les formations de base assez larges pour pouvoir s'adapter et pas être rivés comme la chèvre à son piquet en ayant la connaissance, seulement les compétences, comme ils disent, pour faire marcher un type de machine à un moment donné. Non, les métiers de nos jours sont tous des sciences pratiques. Ils ont tous un contenu de plus en plus élaboré. Et donc, pour être un bon ouvrier sur telle ou telle machine, il faut avoir des connaissances en mathématiques, en physique, en chimie, etc., etc., et bien sûr, en littérature. Pour tant de métiers, plus la formation générale est importante, meilleure est la personne qui ensuite est capable de faire fonctionner la production. Personne n'a jamais pu s'émanciper de cette règle. Quand le niveau technique monte, ceux qui doivent être formés doivent être élevés au niveau technique. Et à partir de là, il y a des choses qui sont décidées dans les bureaux qui n'ont aucun sens. Par exemple, j'ai entendu dire qu'on allait supprimer des formations parce qu'elles ne permettent pas, au lycée professionnel, de s'insérer dans l'emploi. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder de quelle formation on parle. Prenons un exemple. Autrefois, lorsque vous aviez une formation de secrétaire, c'était souvent un métier féminin. Il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait savoir faire, qui étaient assez compliquées déjà. Non seulement taper à la machine, ce qui n'est pas donné au premier venu, mais également il fallait être capable de faire de la sténotypie, c'est-à-dire de relever sur la base d'une dictée par des signes, comment ensuite on mettait tout ça dans un texte normal. Il fallait être capable de gérer des agendas, il fallait être capable, bref, de beaucoup de choses. Mais évidemment, avec le temps, le métier s'est encore élevé en niveau de qualification technique. Et maintenant, la personne qui hier faisait une tâche de secrétariat, on lui demande des tâches de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes, souvent liées directement à l'organisation générale de l'entreprise. C'est pourquoi on les appelle des assistants et non plus des secrétaires, et on les forme au métier qui va consister à accompagner la personne qui va diriger tout un secteur de la production ou toute la production. Ce sont donc des métiers qui ont augmenté de niveau. Mais pourquoi voudriez-vous en supprimer une formation ici ou là? Vous pourriez dire, eh bien, parce qu'il n'y a pas d'offre locale. Ah bon? Comment vous le savez? Comment vous savez que la personne qui vient ici se former dans un lycée professionnel ne trouvera pas d'emploi? Peut-être pas forcément ici même, mais peut-être demain là-bas. Peut-être là-bas. C'est le sort de tout le monde aujourd'hui d'aller, de venir. On accompagne son conjoint ou sa compagne lorsque l'on va travailler parce que lui a changé d'emploi. Alors on change, nous aussi, de ville. C'est ainsi que ça se passe. Et donc, on ne perd jamais son temps. Et puis, ses assistants, ses assistantes, ils fonctionnent aussi bien pour un métier, par exemple, dans la production agroalimentaire ou dans la production métallurgique. C'est le même métier, mais qui est appliqué à deux branches différentes. De la même manière, j'ai entendu dire une fois qu'on voulait supprimer une formation de moteur que l'on met sur les bateaux. Et on m'a dit, eh bien c'est normal parce qu'il n'y a pas de bateau dans ce secteur. Eh bien déjà, commençons par dire une chose. S'il y avait un lycée professionnel maritime dans chaque département qui fait face à l'océan ou à la mer, on aurait fait un grand progrès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Figurez-vous que faire fonctionner un moteur de bateau, c'est juste faire fonctionner un moteur comme un autre, sauf qu'il est appelé à fonctionner dans un milieu amphibie. La différence va donc porter sur une partie de la qualification à propos de ce moteur, pas sur la totalité, parce que sur 90%, c'est la même chose, quel que soit le type de moteur. Mais sur 10%, c'est adapté particulièrement à la navigation maritime. Donc méfions-nous de ces gens qui ne connaissent rien à la pratique des métiers, mais prétendent que ceci ou cela ne sert plus à rien. Parce que ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que des professeurs et des filières aient été affectés à préparer des choses qui n'existent pas. Des fois, j'ai entendu des représentants patronaux dire ce qu'on apprend est dépassé dans telle ou telle formation. Pardon, si c'est dépassé, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que tous les diplômes professionnels en France, je dis bien tous les diplômes professionnels certifiés par l'éducation nationale, sont composés par, d'une part, des représentants des syndicats, d'autre part, des représentants de l'État, et enfin, des représentants du patronat. Par conséquent, si le patronat laisse passer des formations qui ne servent à rien, c'est de sa faute. Il n'a qu'à nommer d'autres personnes dans ses commissions que des bureaucrates qui n'ont plus aucune pratique professionnelle. Alors qu'ils commencent par balayer devant leur porte. La réponse à tout, maintenant, paraît-il, ce serait l'apprentissage. Nouvelle erreur. Pourquoi l'apprentissage? Bien sûr, il faut de l'apprentissage dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Parce qu'il y a toute la partie d'apprentissage des matières générales, parce qu'il y a des métiers où ce sont des formations longues. Alors pourquoi font-ils cet apprentissage? Je vais vous le dire. Parce qu'on promet à chaque jeune un petit quelque chose, un défraiement, mais que ça permet de l'enregistrer, non plus comme un étudiant, mais comme quelqu'un qui signe au code du travail, donc comme un emploi créé. C'est donc un artifice de comptabilité de l'emploi. Ajoutons que 25% des jeunes qui rentrent dans l'apprentissage quittent leur apprentissage au bout de 3 mois. Et alors ceux-là, à ce moment-là, ils sont perdus de vue. C'est-à-dire que plus personne ne sait où ils sont passés. Alors tout ça, c'est un gâchis humain absolument incroyable. Dans le passé, nous avons proposé dans notre programme que les lycées professionnels soient remis en ordre de marche. Qu'il y en ait le plus possible pour que le plus de jeunes puissent entrer dans ces lycées et acquérir une qualification, c'est-à-dire un diplôme qui a une portée de longue durée, pas simplement un petit certificat de compétences qui leur apprend à faire quelques gestes qui sont rendus nécessaires pour la production. Les écoles de production qui ont été inventées sont des mystifications où l'on n'apprend rien du tout et où à la sortie, on ne sait rien faire de plus que lorsqu'on y est entré. Je vous mets tous en garde. La France dépérira si elle n'a pas tous ces femmes, ces hommes qualifiés à niveau intermédiaire, CAP pour commencer. Ensuite, bac professionnel. Ensuite, brevet de technicien supérieur. Ce dont il faut s'occuper, c'est du fait que les gens puissent suivre ces études. Or, souvent, ce sont des éléments qui ont un an de retard. Par conséquent, il arrive que quand ils arrivent à l'âge du bac professionnel, un certain nombre d'entre eux sont père et mère de famille. Et c'est bien que ce soit comme ça. Il faut leur permettre de vivre et non pas les obliger d'être la journée à apprendre un métier et la nuit et la soirée, les week-ends, continuer à aller au travail pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir retourner le lundi au lycée. Tout ça est injuste. Tout ça concerne la masse de la jeunesse populaire. Savez-vous que la moitié de la jeunesse en âge d'aller dans l'enseignement secondaire, la moitié, est soit dans les filières technologiques, soit dans les filières professionnelles, soit dans l'apprentissage. Et ceux qui passent par le lycée professionnel représentent au total un tiers de la jeunesse qui est en âge d'aller dans des études secondaires. Cette jeunesse, c'est elle qui porte sur son dos toutes les productions que demain il faudra faire. Regardez bien ce qu'a décidé M. Macron et ses prédécesseurs, c'est-à-dire lui-même dans le mandat précédent. Autrefois, on faisait un bac pro en 4 ans, pas parce qu'on avait du temps à perdre, mais parce que c'était le seul moyen qu'on avait de faire bien les choses pour arriver au bac professionnel. Ils l'ont réduit à 3 ans en disant « ça dure trop longtemps ». Et sur ces 3 ans, ils ont mis une année où on examine les métiers. Je ne sais pas quelle tête d'œuf a trouvé une idée pareille. Par exemple, dans le bâtiment, on examine les métiers. Pendant un an, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Figurez-vous que faire le gros œuvre, c'est-à-dire construire les murs ou les peindre, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Et ce sont des métiers du bâtiment. On va passer un an, observer ça. Et maintenant, sur les 2 ans qui restent, une année va être consacrée, la moitié du temps, à des stages en entreprise. Alors quand, sur 3 ans, le jeune homme, la jeune femme va avoir le temps d'apprendre réellement et sérieusement le métier ? Quand allez-vous apprendre, en un an et demi, à avoir un bac professionnel, par exemple, de maintien des systèmes automatisés, qui est d'une extrême complexité, ou de métallurgie? Si on veut réindustrialiser, pour ça, il faut avoir une main-d'œuvre de haut niveau. Et si vous voulez avoir une main-d'œuvre de haut niveau, eh bien, il faut la payer, il faut la préparer, il faut la bichonner, il faut la choyer, et non pas la brutaliser et l'entraîner dans des voies sans issue. Voilà ce que j'ai à dire à propos de la comédie que je vois se dérouler aujourd'hui à Versailles. Notre pensée doit se tourner vers les enseignants des lycées professionnels qui ont réussi cet exploit de porter la France au plus haut niveau de la technologie industrielle et vers les jeunes gens qui sont dans ces filières et qui sont notre avenir commun parce que c'est eux qui vont le porter sur leur dos. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en avare, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés, je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se propose de raconter l'histoire génétique de la France, ce qui va permettre de faire le point sur l'origine de nos ancêtres. Pour ça, je vais m'appuyer sur les haplogroupes du chromosome Y, qui forment une sorte de signature des anciennes migrations par la voie masculine. En France, on trouve notamment le I, originaire d'Europe, le R, originaire d'Asie centrale, le G, puis le J, tous deux originaires d'Anatolie, et le E, originaire d'Afrique. Pour plus de détails, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'histoire génétique de l'Europe que je mets dans la description. Ça, c'est pour la voix masculine. Pour ce qui est de la voix féminine, on peut utiliser l'ADN mitochondrial. Mais le problème, c'est qu'on constate un brassage total dès le néolithique, ce qui rend les migrations ultérieures presque indétectables. Je n'en parlerai donc pas dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais déjà indiquer deux pièges à éviter. D'abord, la connaissance de son haplogroupe ne donne pratiquement aucune information sur ses origines. Je prends l'exemple de deux situations identiques au niveau des grands-parents. À gauche, le couple A a un garçon et le couple B une fille. À droite, c'est l'inverse. Au final, les individus 1 et 2 n'ont pas le même haplogroupe alors qu'ils ont les mêmes grands-parents et possèdent donc la même origine génétique. Finalement, c'est le mix génétique de la région de nos ancêtres qui donne une bonne idée de nos origines, et c'est valable qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Ça va être tout l'intérêt des cartes qui vont suivre. Deuxième petite subtilité. Imaginons qu'une migration masculine vienne éradiquer tous les hommes présents sur place avant de prendre les femmes pour épouses. Au final, tous les descendants auront l'haplogroupe des immigrés alors même que la moitié de leur patrimoine est d'origine locale, tout simplement parce que l'apport des femmes reste invisible. Autrement dit, le ratio observé entre les différents haplogroupes n'est pas toujours représentatif du brassage génétique réel. Pour résoudre ce problème, il peut être utile de jeter un œil sur l'origine des langues. En effet, comme son nom l'indique, la langue maternelle est surtout transmise par les femmes. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour contrebalancer l'héritage masculin. La linguistique forme donc un complément naturel à la génétique, mais à utiliser avec prudence. En effet, la langue peut aussi se transmettre par domination politique ou culturelle en l'absence de toute migration majeure. Après cette longue introduction, on va pouvoir raconter l'histoire génétique de la France depuis les origines. La fin de la dernière glaciation entraîne une explosion démographique du groupe I, qui constitue donc le substrat originel. Vers 5000 avant Jésus-Christ, ces populations I de chasseurs-cueilleurs se trouvent confrontées à l'arrivée des peuples G venus d'Anatolie, qui maîtrisent l'agriculture. Grâce à elle, les nouveaux arrivants connaissent une croissance démographique aux dépens des autochtones. La situation se stabilise lorsque le groupe I adopte à son tour l'agriculture. C'est la fin des chasseurs-cueilleurs. Le groupe G n'atteint que faiblement la frange atlantique, alors qu'il est fortement implanté autour des Alpes. Cette époque voit l'essor du mégalithisme, notamment en Bretagne, qui constitue un pôle exceptionnel de dynamisme. Les vestiges sont également très nombreux autour des Cévennes. Ça va durer 3000 ans, jusqu'à ce que survienne le plus grand bouleversement génétique de l'histoire de France. Il est provoqué par l'arrivée de l'haplogroupe R1B, qui correspond aux premiers Indo-Européens. Venus du nord de la mer Noire, ils sont devenus très mobiles grâce à leurs chariots tirés par des chevaux. Au cours de leur migration, la découverte de la métallurgie du bronze les a rendus encore plus puissants. C'est ainsi que la Bohême, à la fois riche en cuivre et en étain, devient un nouveau pôle d'expansion. Vers 2000 avant Jésus-Christ, ces populations R1B engagent une invasion soudaine de l'Europe occidentale. C'est le pire carnage dans l'histoire de France. Les trois quarts de la population masculine sont éradiqués au profit des nouveaux arrivants. Aujourd'hui encore, les Français conservent une grosse part génétique de ces Indo-Européens guerriers venus de Bohême. Pour autant, ils ont beaucoup de mal à imposer leur langue, ce qui montre qu'il s'agit d'une migration essentiellement masculine. Les conquérants prennent les vaincus pour femmes après avoir éliminé les hommes. En particulier, ça explique pourquoi la langue basque subsiste alors que le groupe génétique des Basques est à 80% R1B. Autrement dit, la moitié de leurs ascendants sont des locaux purs et durs, tandis que l'autre moitié vient de Bohême. Ça explique aussi pourquoi on n'observe aucun changement radical de culture en France associé à ce bouleversement génétique. Il s'ensuit une époque assez terne qui voit la disparition progressive du mégalithisme. Il faut attendre 800 avant Jésus-Christ avant de voir un renouveau dû à l'essor de la civilisation celtique. Basée au nord des Alpes, elle fonde son développement sur la métallurgie du fer. Dans un premier temps, seul l'extrême est de la France est concerné. Mais en 600 avant Jésus-Christ, la fondation de Marseille par les Grecs relance le commerce entre le nord et le sud de l'Europe, ce qui donne un nouveau coup d'accélérateur à l'expansion celtique. Un siècle plus tard, les Celtes dominent toute la Gaule, à l'exception du sud de la Garonne. Cette fois, ils apportent leur langue indo-européenne avec eux. Ça contribue aussi à remettre une nouvelle couche de gènes R1B aux dépens du G et du I résiduels. La Corse connaît également un nouvel apport de R1B à cette époque, mais cette fois, c'est dû à l'influence étrusque. Tandis que les Celtes se répandent massivement dans les îles britanniques, d'autres amorcent une fusion avec les Ligures. Enfin, c'est vers 390 avant Jésus-Christ que Brennus emmène les Gaulois à la conquête de la Gaule cisalpine. Cet apogée celtique est bientôt remis en cause par deux expansions simultanées. Celle des Romains au sud, qui s'emparent de la Corse dès 238 avant Jésus-Christ, puis de la Gaule narbonnaise en 120 avant Jésus-Christ. Et celle des Germains au nord. Si les Romains s'installent surtout dans les villes, les Germains provoquent un bouleversement génétique et linguistique beaucoup plus massif. Dans le nord de la Gaule, la fusion de ces Germains avec les Celtes donne naissance aux Belges. Si les Germains sont indo-européens comme les Celtes, ils possèdent un mix génétique beaucoup plus varié. Grâce à son isolement, la Scandinavie a gardé une proportion d'haplogroupe I nettement plus élevée. À cela s'est ajouté l'haplogroupe R1B, venu du sud, et l'haplogroupe R1A, venu de l'est. Les bouleversements dus à l'expansion germanique favorisent considérablement la conquête de la Gaule par Jules César en 54 avant Jésus-Christ. La domination romaine entraîne quelques déplacements depuis l'Italie, repérables grâce à l'haplogroupe J2, venu de Grèce. Mais les Romains restent minoritaires. La Gaule connaît alors une véritable bascule culturelle et linguistique. Les Gaulois des villes adoptent rapidement le latin, tandis que ceux des campagnes le feront lors de la diffusion du christianisme au IVe siècle. Finalement, la Gaule change complètement de visage sans qu'il y ait de bouleversement génétique. Les Gallo-Romains sont en majorité les descendants des anciens Celtes. À noter que les proto-basques au sud de la Garonne ne se latinisent pas. Leur langue non indo-européenne y est sans doute pour quelque chose. Dès la fin du IIIe siècle, les Romains acceptent l'installation des Germains dans l'Empire pour défendre les frontières. On assiste ainsi à une germanisation des terres à l'ouest du Rhin, bien visible sur le plan génétique, avec la recrudescence de l'haplogroupe I dans ces régions. La limite entre les Latins et les Germains se décale ainsi vers l'intérieur de l'Empire, et cette zone romano-germanique va s'imposer comme le nouveau foyer culturel de l'Europe à venir. Depuis Clovis jusqu'à Charlemagne, les Francs vont réussir à conquérir une bonne part de l'Occident tout en perpétuant la culture romaine. Au Ve siècle, les invasions germaniques poussent les Bretons du Pays de Galles et des Cornouailles à émigrer massivement vers l'Armorique. Là aussi, ça se repère très bien sur le plan génétique, puisque les Bretons partagent le même haplogroupe avec les Celtes des îles britanniques. Tandis que les Anglo-Saxons bouleversent le peuplement de l'Angleterre, certains préfèrent s'implanter au sud de la Manche, où ils apportent leur propre souclade du R1B. Cet apport sera complété plus tard par les invasions vikings, qui vont contribuer à une recrudescence du groupe I en Normandie et en Bretagne. Vers l'an 950, la France a déjà la configuration génétique qu'elle conservera pendant les 9 siècles suivants. Sur le plan linguistique, par contre, les choses continuent de bouger un peu. Le latin évolue jusqu'à former les langues d'Oïl au nord, les langues d'Oc au sud et le franco-provençal à l'est. En parallèle, la langue basque reflue sous la pression de l'occitan et la langue bretonne sous celle du français. L'évolution génétique ne reprend qu'à partir de 1850, lorsque débutent de nouvelles vagues de migration vers la France. D'abord en provenance des pays voisins, avant de s'élargir à partir de 1918. L'histoire génétique de ces populations est à traiter à part, puisque les brassages génétiques n'ont pas eu le temps de se faire sur une si courte période. Pour terminer cette vidéo, je vais donc me focaliser sur le mix génétique des Français juste avant ces dernières migrations. Commençons par les Basques, c'est le plus simple. On y trouve 10% du groupe I originel, 8% du J2 apporté par les Romains et plus de 80% du R1B apporté par la grande invasion de 2000 avant Jésus-Christ. Mais on a vu que ça masquait un héritage local beaucoup plus important si on tient compte de la voix féminine. Continuons avec les Bretons. On est aussi à 85% de R1B. Mais cette fois, une grosse partie provient de la migration bretonne du 5e siècle. Le reste du R1B est un mélange des premiers Indo-Européens, des premiers Celtes et des Saxons. L'haplogroupe I est dû aux invasions saxonnes et vikings. Finalement, on constate que les Bretons ont le bagage génétique le plus récent et les Basques le plus ancien. On va maintenant parler des Corses. Ils se distinguent par un panel génétique plus varié. L'importance du J2 provient des implantations grecques sur l'île. Le R1B dominant est celui des Étrusques. Finalement, l'héritage génétique de la Corse apparaît très différent de celui de la France continentale, à l'exception de la côte provençale, qui a connu une influence comparable en provenance de l'Italie. Pour compléter les quatre bords de la carte, allons voir maintenant les Alsaciens. Au niveau génétique, ils sont à traiter en même temps que les autres populations frontalières jusqu'à la mer du Nord. L'abondance du groupe I reflète l'importance de l'apport germanique. Le R1B, quant à lui, se partage entre de nombreuses influences. On trouve aussi un peu de J2 dû aux Romains et de G dû aux premiers agriculteurs du Néolithique. On va maintenant s'attaquer aux Normands. Même si les Bretons n'y furent pas assez nombreux pour imposer leur langue, leur apport génétique avoisine quand même les 30%. Il s'y ajoute un gros apport saxon, puis un apport viking important qui explique l'abondance du groupe I. Finalement, le panel génétique des Normands et des Bretons est très comparable. Reste le cœur de France, qu'on va séparer en une partie nord et sud. Comme partout ailleurs, le groupe R1B des Indo-Européens est très majoritaire. La principale différence entre les deux tient dans l'apport germanique plus important au nord et l'apport romain plus élevé au sud. Pour le reste, on retrouve une répartition similaire entre les populations d'origine, les premiers agriculteurs, les invasions de l'âge du bronze et les invasions celtiques.

retraçant sur carte l'histoire du peuple juif. Le conflit israélo-palestinien sera expliqué dans la seconde vidéo. On commence en 750 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits royaumes et cités-états coincés entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. Parmi ceux-ci, il y a le royaume d'Israël, dont le peuple vénère plusieurs dieux, y compris Yahvé. En -722, la capitale Samarie tombe aux mains de l'Empire assyrien. Une partie de la population fuit alors vers le royaume de Juda et Jérusalem. Mais ils seront suivis par l'armée assyrienne qui continue son expansion vers le sud. La région reste alors sous contrôle pendant un siècle, jusqu'à la chute de la capitale Ninive face aux Babyloniens. L'Égypte et Babylone vont alors se disputer les territoires de l'ancien empire. Mais rapidement, les Babyloniens prennent le dessus et s'imposent dans la région. Jérusalem résiste à cette nouvelle domination et se rebelle. L'armée babylonienne revient alors pour assiéger et saccager la ville. Une bonne partie de la population est ensuite déplacée vers la capitale. En -539, l'empire perse achéménide prend le dessus sur Babylone. Le nouveau roi autorise un retour sur leurs terres au peuple anciennement vaincu. Une bonne partie des Judéens retournent à Jérusalem pour construire la ville et organiser les bases de la culture juive en y construisant le temple de Salomon et en écrivant la Torah. En -334, le jeune et ambitieux roi de Macédoine Alexandre le Grand part avec son armée à la conquête du monde connu. En un peu plus de 10 ans, il soumet un énorme territoire et y bâtit de nombreuses villes. Mais exténué par la conquête, il meurt à 32 ans à Babylone, sans héritier en âge de gouverner. L'empire est alors divisé par ses généraux en différents royaumes hellénistiques. La Judée passe sous contrôle de la dynastie des Ptolémées. Une communauté juive s'installe alors dans la nouvelle ville d'Alexandrie, et la Torah y est traduite en grec. Suite à une guerre contre la dynastie Séleucide, la Judée change de côté. La culture hellénique et la culture juive deviennent concurrentes au point qu'un autel du temple est maintenant dédié au culte de Zeus. Une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem en -164. Le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront deux révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège de Jérusalem puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste, il deviendra le mur des Lamentations. Lors de la seconde révolte, la ville est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Cette fois, les Juifs sont interdits en Judée. Beaucoup émigrent alors vers la Galilée, mais aussi dans l'Empire. Vers la fin de l'Empire romain, le christianisme est la religion dominante, et Jérusalem un lieu de pèlerinage. La communauté juive qui est alors prospère dans le bassin méditerranéen se fait progressivement persécuter, surtout chez les Wisigoths et dans l'Empire byzantin. Au 7e siècle, suite à la naissance de l'islam, commence une conquête arabe. Dans certains cas, les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. À Jérusalem, le dôme du rocher est construit. La ville est maintenant une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. 5% de la population y est juive et leur culture y commence un âge d'or. Alors qu'en Europe, ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs Seldjoukides, un peuple originaire d'Asie centrale, commencent son expansion et atteint Jérusalem. Ils y persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. En réaction, les chrétiens d'Europe organisent des croisades, des expéditions militaires et religieuses vers la ville sainte. En chemin, ils massacrent des communautés juives qu'ils considèrent désormais comme un peuple déicide, qui a tué Jésus-Christ. En 1347, la peste noire accompagne des bateaux de commerçants génois en provenance de Caffa. En 5 ans, la maladie se propage dans toute l'Europe et décime près de la moitié de la population. Une rumeur se diffuse accusant les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Ils sont alors persécutés, principalement sur l'axe Rhin-Rhône, puis progressivement expulsés. En Espagne, la Reconquista se termine. Les rois catholiques imposent aux Juifs de se convertir ou de partir. Une grande partie choisit le départ et va s'installer le long des côtes méditerranéennes et principalement dans l'Empire ottoman où ils sont les bienvenus. La Pologne-Lituanie commence aussi une politique d'accueil et devient un havre pour les Juifs en provenance d'Europe de l'Ouest. Au XVIIe siècle, ils y sont alors plus de 300 000, soit environ la moitié des Juifs dans le monde. Mais tout bascule en 1648 avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine contre la noblesse et les Juifs à qui ils reprochent une relation privilégiée avec le pouvoir. Plus de 100 000 d'entre eux sont massacrés ou fuient la région. Cet épisode va affaiblir la Pologne-Lituanie qui se retrouve assiégée de toutes parts par les puissances voisines. En 150 ans, le pays est éradiqué et ses terres sont partagées. La communauté juive est divisée et 900 000 d'entre eux se retrouvent désormais dans l'Empire russe, où ils ne sont pas les bienvenus. Ils deviennent rapidement la cible d'attaques populaires appelées pogroms, un terme russe qui signifie « dévasté ». Face au manque de réaction des autorités, ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent en intensité jusqu'à devenir meurtrières. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale, où leur condition s'est améliorée. C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle, en 1897, le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Mais l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet. Quelques années plus tard, commence la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. En face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. En parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. La Palestine passe sous mandat britannique, c'est le début du conflit israélo-palestinien. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Mais que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. La revue de presse, eh bien, Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, la FGRFP, qui existe dans les Vosges, à Épinal. Hein. Alors, une sécurité sociale à reconquérir. La sécurité sociale, est née en 1945 de la volonté du Conseil national de la Résistance. La sécurité sociale est née en 1945 de la volonté du Conseil national de la Résistance. À sa création, la sécurité sociale s'inscrit dans un projet de république sociale. Vision démocratique de la société. L'érosion de la cotisation sociale remplacée par l'impôt est voulue notamment pour affaiblir la démocratie sociale et aller vers une étatisation croissante de la sécurité sociale. Et même pire, peut-être bien, vers une privatisation. Hein. Voilà, alors il y en a comme ça quelques pages, je vais pas tout lire, hein, bien sûr. Mais pour en savoir plus, ben, il faut adhérer à la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. Voilà, il y en a, je vous dis, une dizaine de pages d'informations, voilà, sans publicité. Retraite, les syndicats maintiennent l'unité et la pression. Au lendemain d'une mobilisation massive pour le 1er mai, l'intersyndicale ne désarme pas. Elle appelle à une 14e journée de mobilisation le 6 juin. Deux jours avant l'examen par les députés d'une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. On veut taxer les super-profits. Eh oui, il y en a qui veulent taxer les super-profits. Ensuite, Macron à Versailles avec 200 patrons, lundi 15 mai. Alors, ils avaient rendez-vous à 12 heures, gare de Versailles. Alors, évidemment, il y a eu la casserolade du siècle. Ah, bien sûr. Chose France, 8000 emplois pour notre région. Plus de 30 projets entraînant 13 milliards d'euros d'investissement et la création de 8000 emplois, dont 1700 à Sarreguemines. C'est le résultat annoncé du sommet Chose France. Chose, alors Chose, pas C-H-O-S-E, non, C-H-2-O-S-E, hein, sur les investissements étrangers qui se réunit lundi. Alors le problème avec les investissements étrangers, c'est que les bénéfices partent à l'étranger, et puis c'est que les investissements étrangers en question, ils viennent, ils s'installent le temps de récupérer quelques aides de l'État, hein, aux frais du contribuable, et puis lorsqu'ils ont épongé les aides de l'État, eh bien ils s'en vont s'installer dans un autre État où ils vont pouvoir éponger d'autres aides. Hein. Voilà. À Sarreguemines, les panneaux photovoltaïques devraient être implantés sur le site de l'Europôle 2. Voilà, alors autre chose, Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Le RN s'est nourri de la désindustrialisation. Le RN, le président qualifie la réindustrialisation de la France de mère des batailles. Pourquoi ? Alors, au second tour de la présidentielle 2022, 68% des ouvriers ont voté Marine Le Pen, contre 32% Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que vous croyez, ça ? Au second tour de la présidentielle 2022, 68% des ouvriers ont voté Marine Le Pen, contre 32% Emmanuel Macron. Alors, à côté, il y en a un qui a ajouté 1923-2023. Alors, qu'est-ce que c'est ? 1923, eh bien, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne. Et c'est ce qui a permis au parti nazi d'avoir 40 députés au Reichstag. Et puis d'être au pouvoir en 1933 et de déclencher une guerre mondiale qui a fait 64 millions de morts environ. Hein. Et en 2023, eh ben, il y a 6 millions de chômeurs en France. Voilà, 6 millions de chômeurs en France. Alors, ça a ajouté aussi dans la marge « Fascismus über alles » égale « Arbeit macht frei ».« Fascismus über alles » Arbeit macht frei. C'est normal, hein, quand on cause en étranger, on est sur une radio libre. Une radio locale, radio libre. Ça cause en étranger, les radios libres. Eh ben oui, nature riche. Une manifestation royaliste à l'appel de l'Action française. Eh oui, oui, bon. Une gigafactory de panneaux photovoltaïques à Ambach. Alors, gigafactory. G-I-G-A. Bon, giga, oui, on comprend. Factory. Alors, il y en a un qui a ajouté au-dessus, une französische bitte schön. Factory, französische bitte schön. Alors, c'est une demi-page imprimée, contenu limité, baratin, macronie. Voilà. Bon, on verra, hein. Oui, il y aura peut-être des créations d'emplois, peut-être, mais il faudrait commencer par balancer le gouvernement actuel, le président actuel et la constitution actuelle qui est dépassée complètement maintenant. Pour que l'Europe ne revienne pas à l'état sauvage. Alors à l'état sauvage, c'est mis entre guillemets. Trop de pays en Europe s'écartent des principes fondamentaux, s'inquiète le Conseil de l'Europe, ébranlé d'avoir dû exclure la Russie l'an dernier. Réunis mardi et mercredi en Islande, les dirigeants des 46 membres doivent réaffirmer leur engagement et faire que ce glissement s'arrête. Bon, ben on verra bien. Hein. Oui, l'Europe un jour, elle sera moderne, elle sera démocratique, elle sera républicaine, elle sera... Voilà. Il n'y aura plus de chômage en Europe. Rien qu'en France, il y a 6 millions de chômeurs. Et proportionnellement, il y en a autant en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., etc. Il y a, ben oui, la principale ressource des employeurs, c'est le chômage. Parce que grâce au chômage, ben, ils peuvent limiter considérablement les salaires et puis augmenter la cadence de travail, etc. Si on privait le patronat du chômage, ben, ça sera embêtant. Pour eux. Ce sera embêtant pour eux. Adrien Quatennens. En écoutant le président de la République, je pense aux salariés en grève de Verbaudet avec qui j'étais ce matin et qui se battent pour 150 euros par mois et tant d'autres dont le quotidien est une galère permanente. Le discours de Macron est complètement inaudible. Ben oui, il parle pour ne rien dire, cet homme-là. Hein, oui. Puis il y a des gens qui ont voté pour lui. Hein. Hein, allez, vous n'avez pas voté pour lui puisque vous écoutez RGM, les auditeurs de RGM. Hein. Olo Solis, Sargumine, les centrales et les élus nous ont épaulés. Voilà, en annonçant la création de la plus grande usine d'Europe de panneaux photovoltaïques à Ambach, 710 millions d'euros d'investissement et 1700 emplois. Voilà, et bon, on verra bien, hein, 1700 emplois. Ben oui, on verra bien. Sur les 6 millions de chômeurs, ben s'il y a 1000, ça sera toujours autant de gagner. En Alsace, une commune se chauffe au miscanthus. Le miscanthus fait partie des plantes moins consommatrices en engrais, en produits phytosanitaires, signé la FNSEA. Communiqué. Ce soir, notre délégué Verbaudet a été embarqué devant chez lui par des policiers en civil. Plaqué sur sa voiture devant son enfant, il a été embarqué dans un véhicule banalisé. Des individus prétendument policiers, en l'interpellant au cri de « sale gréviste ». Toi, le délégué syndical, ont pénétré dans ce véhicule. Ils l'ont copieusement gazé, frappé et lui ont craché à la figure. Ils l'ont humilié, porté atteinte à sa dignité et l'ont finalement jeté de leur véhicule sur la commune de Ronchin après l'avoir délesté de leur portefeuille. Cette expédition punitive de type fasciste, opérée par des miliciens qui n'ont a priori aucun rapport à ce que devrait être la police républicaine, n'est pas tout à fait une surprise. En effet, lors de l'arrestation abusive de nos deux camarades CGT avant-hier, les forces de police ont lancé aux délégués syndicaux CGT vers Baudet ceci, les prochains, c'est vous. Alors, face à ces méthodes, nous exhortons ce qu'il reste de république et d'état de droit dans ce pays à punir les coupables et faire cesser ces agissements insupportables. Vous y croyez, vous, abstract, hein? Vous croyez que c'est possible, dans une république comme la France, que des... ce serait étonnant quand même, hein? Oh oui, on n'a quand même pas voté pour des gens comme ça, hein? Pour des gens qui font de la République une espèce de royauté. Alors, politique, le maire de Saint-Brévin ne reviendra pas sur sa démission. Auditionné par la commission des lois du Sénat mercredi, une semaine après avoir démissionné de son poste en raison de menaces d'extrême droite, le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, a assuré qu'il n'allait pas changer de décision en fin de journée. Il a également été reçu par la première ministre. Oui, voilà. Voilà. Un maire qui démissionne parce que ça devient impossible quasiment de vivre en démocratie en France. Hein? Agressé par une locataire en furie, une maire haussonnoise démissionne. Elle est responsable du chômage. Combien d'années de prison ou de travaux pénibles? Les responsables du chômage. Combien d'années de prison ou et de travaux pénibles? Les responsables du chômage. Qui c'est les responsables du chômage? Est-ce que vous avez déjà croisé des responsables du chômage? Est-ce que vous avez déjà eu en face de vous un responsable du chômage? Hein? Et quelle envie ça vous a donné? Allez, n'avouez pas tout de suite. Nestlé, les syndicats choqués par la suppression de 171 postes à Vittel contre Aix. Eh oui, la nappe phréatique s'épuise et voilà. Et là encore, on va créer du chômage. Une union du Saint-Mont pour devenir la troisième commune vosgienne. Point d'interrogation. Pour mutualiser les coûts et rassembler une même zone géographique, le maire de Remiremont, Jean-Benoît Tisserand, lance l'idée d'unir sa commune avec ses deux voisines, Saint-Étienne et Remiremont et Saint-Nabor. Un projet ambitieux et complexe qui s'est déjà réalisé ailleurs dans le département. Voilà. À suivre. Il faudra qu'on donne notre avis. Sarkozy condamné. L'ancien président de la République a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, dans l'affaire dite Bismuth. Au Parti des Républicains qu'il a fondé en 2014, on reste discret, voire muet. Eh oui, c'est un parti républicain. Si c'est des républicains, ils vont réagir en républicains, bien sûr. Hein? Oui. Et puis il réagissait en républicain quand il était au pouvoir, Sarkozy. Lui et le parti républicain. Ben oui, ils étaient tous républicains. La preuve que le divorce entre LR et Sarko est consommé. Ben oui. Ils vont le jeter à la poubelle. Un ancien président de la République, rendez compte, un peu républicain et tout. Et, oh là là. 171 postes supprimés, ce sont des familles qui sont derrière. Eh oui, à contexte civil. Eh oui. Il y a déjà 6 millions de chômeurs. Et le français moyen, il se bouge pas beaucoup quand même, hein? Ben non, le chômage, il tombe sur le voisin d'à côté, il tombe sur le beau-frère, il tombe sur... Bon, il tombe pas sur moi, alors moi je bouge pas. Ben non, c'est les autres qui sont concernés. Oui, 6 millions de chômeurs. Enfin, rappelons que 6 millions de chômeurs, ça peut apporter des catastrophes mondiales. Mondiales, oui. Durables, mondiales. Le peuple ne demande que le nécessaire. Il ne veut que justice et tranquillité. Les riches prétendent à tout. Ils veulent tout envahir et tout dominer. Les abus sont l'ouvrage et le domaine des riches. Ils sont les fléaux du peuple. L'intérêt du peuple est l'intérêt général. Celui des riches est l'intérêt particulier. Alors qui a écrit une chose pareille? Hein? Qui donc? Eh bien, c'est Maximilien Robespierre. de Robespierre, Maximilien de Robespierre, qui était né noble, bah, il n'avait pas fait exprès, hein, et qui est devenu révolutionnaire. Eh oui, on peut naître n'importe où et réfléchir, se poser des questions sur le fonctionnement de la société. Alors, chaque année que la droite est au pouvoir, c'est 60 millions d'années de vie gâchées en France. 4 millions de riches, 6 millions de chômeurs. 1923-2023, Hartung. Une flèche sur le côté, docteur Guillotin, docteur humain.